Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Peut-être êtes-vous des amateurs de plein air. Alors, dans ce cas, sachez que vous n'êtes pas seul, car une grande majorité de Québécois pratiquent une activité de plein air, ce qui entraîne des retombées socio-économiques pour le Québec. C'est ce qu'a révélé une étude de la chaire de tourisme Transat de l'Université du Québec à Montréal. Une étude que va nous présenter Camille Villefèvre. Bonsoir Camille. Bonsoir François. Donc effectivement, c'est la toute première étude pan-québécoise qui porte sur les retombées socio-économiques des activités physiques de plein air. J'ai d'ailleurs eu la chance d'assister à la première présentation de cette étude qui s'est déroulée lors du congrès annuel du loisir municipal à Drummondville il y a un peu plus d'un mois environ. Donc cette étude, financée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en collaboration avec près d'une vingtaine de partenaires, dont des fédérations de plein air, des associations touristiques, des institutions gouvernementales et plus, a été réalisée par la chaire de tourisme Transat de l'UQAM. De l'UQAM, c'est ça? Oui, effectivement, donc par une équipe de chercheurs et s'est concentrée sur l'étude des clientèles, des lieux de pratique et des retombées sociales et économiques des activités physiquement actives de plein air. Donc, par activité physiquement active de plein air, les chercheurs entendent ici des activités non motorisées. Donc, la motoneige est exclue de cette étude, mais c'est le cas également de la chasse et de la pêche pour d'autres raisons. Donc, ils parlent d'activités telles que l'escalade, le ski de fond, la raquette, le vélo, la randonnée pédestre et la randonnée équestre et plusieurs autres activités. Donc, ce sont trois volets qui ont été identifiés à travers cette étude. La première porte sur l'inventaire des principaux lieux de pratique au Québec, mais elle n'est que partiellement complétée pour l'instant. Puis, le deuxième volet, c'est un portrait de la pratique du plein air et de ses clientèles. Et finalement, le troisième volet, c'est une évaluation des retombées économiques et sociales des activités plein air. Comment les chercheurs ont-ils réussi à collecter des données sur les adeptes des activités de plein air pour réussir à représenter l'ensemble du Québec? C'est une bonne question parce que pour plusieurs des activités plein air ciblées dans cette étude, pour un total de 13 activités de premier niveau, le nombre de pratiquants est plutôt marginal quand même. Donc, lorsque je fais référence à une activité de premier niveau, ça indique que c'est une étude plus complète là, qui a été complétée sur les pratiquants, là, en fait. Donc, dans un premier volet, il y a vraiment une étude plus globale du plein air. Puis ensuite, dans 13 des activités, il y a vraiment une étude plus approfondie de ces 13 activités-là. En ce qui concerne les activités de second niveau, telles que la plongée sous-marine ou le traîneau à chien, ils n'ont été explorés que de surface dans cette étude-là. D'accord. Donc, ce qui a trait à la méthodologie employée lors du volet 1, je vais pas tout à fait l'aborder, étant donné que, bon, cette section-là est encore incomplète pour le moment. Mais pour ce qui est du volet 2, c'est par la voie d'un questionnaire électronique que les auteurs ont rejoint les pratiquants. Donc, c'était par le web. Ainsi, des résultats généraux en lien avec la pratique du plein air, tels que le taux de pratique des activités, la place du plein air dans la vie des Québécois et chez les jeunes ou encore les habitudes touristiques en lien avec les activités de plein air, telles que les séjours, les hébergements, la saison de pratique, etc., ont été obtenus. Donc, le sondage en ligne a été administré à un échantillon représentatif de la population québécoise et a permis de récolter au-delà de 3000 réponses. Donc, là-dessus, il y a environ 2000 d'entre elles qui correspondent à des répondants ayant pratiqué au moins une activité de plein air au cours des trois dernières années. C'est auprès, je l'ai pas mentionné, là, mais auprès de Québécois adultes qui étaient âgés de 20 ans et plus que le questionnaire est administré. Okay. Donc, le dernier volet, lui, présente l'évaluation des retombées économiques et sociales de la pratique du plein air au Québec. Ces retombées-là sont évaluées en fonction des dépenses des Québécois en lien avec la pratique d'activités plein air de premier niveau. Donc, ça a été fait à l'aide d'un modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec, connu aussi sur le sigle de l'ISQ. Le modèle intersectoriel est un instrument d'analyse qui permet de mesurer l'impact économique d'un projet de dépense dans l'économie québécoise et permet de mesurer des aspects tels que le nombre d'emplois directement associés aux activités plein air et la contribution à la richesse du Québec. Donc, ainsi, si je peux le dire de cette façon-là, malgré que plusieurs activités sont dites de niche, un taux de réponse représentatif a été obtenu pour l'ensemble de la population québécoise. Mmh, ce qui est intéressant. Et peut-on affirmer qu'il s'agit de la première étude de ce genre au Québec? Oui, tout à fait. Une autre étude aussi exhaustive du point de vue de l'intégration des diverses activités et même du nombre de régions touchées n'avait jamais été menée auparavant. Là. Et quels sont les différents résultats obtenus de cette recherche exhaustive? Je vais te mentionner que les faits saillants, puisque l'étude fait près de 200 pages. Okay. Donc, je vais y aller un peu en rafale. D'accord. Selon les trois volets. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne les lieux de pratique, tout d'abord, des lieux de calibre international, là, vraiment ont été notés. Donc, je veux pas dire découverts, là, mais disons, ont été soulignés. Le Québec dispose de réels trésors naturels propices à la pratique des activités de plein air, mais les organismes responsables de leur entretien et de leur développement font face à des enjeux de taille, notamment en matière de financement et de reconnaissance de leur importance économique. C'est au-delà de 750 sites de pratiques d'importance qui ont été notés, qui totalisent au-delà de 26 000 kilomètres de parcours. Donc, on parle de parcours de ski de fond, de randonnée pédestre, randonnée équestre, etc. Ce qui est énorme, hein? Oui, c'est vraiment beaucoup. Les premiers contacts avec le plein air pour les jeunes se font principalement par le biais de la famille, par la suite par celui des écoles et puis des camps de jour et des camps de vacances. Donc c'est vraiment les lieux où un premier contact se fait avec les activités plein air auprès des jeunes. Le contact avec la nature, la beauté des paysages, la socialisation et la pratique d'activités physiques font partie des principaux facteurs de motivation des pratiquants. La gestion des sites de pratique se fait principalement par des organismes non gouvernementaux à 75%. Donc, on voit la grande place des OBNL dans la gestion des sites de plein air, traduisant ainsi la grande implication des adeptes dans la mise en valeur des lieux de pratique. Ça, c'est pour les lieux où se pratiquent des activités de plein air. Mais qui sont les adeptes de ces activités? Donc, les pratiquants du plein air sont à la base d'un secteur économique très important et des adeptes d'un mode de vie sain et actif. Donc, c'est au-delà de 4 300 000 Québécois adultes qui pratiquent du plein air. On parle de 2 personnes sur 3, donc d'au-delà de 66 % de la population adulte de Québécois qui pratiquent au moins une activité de plein air. Donc, c'est énorme. 90 % des pratiquants démontrent de l'intérêt pour une nouvelle pratique d'activité plein air. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, François, tu pratiques le vélo et la randonnée pédestre, mais dans 90 % des gens qui pratiquent des activités plein air sont intéressés en pratiquer une nouvelle, telle que le canot ou l'escalade, par exemple. Donc, c'est un secteur d'activité qui est en pleine progression. Les activités plein air ne sont pas perçues par les pratiquants comme étant risquées. Qu'est-ce qui pourrait être contraire un peu à l'idée générale qu'on pourrait se faire, et sont réalisés dans des lieux de proximité, donc à moins de 50 km du domicile. Également, ce sont des activités sociales, donc principalement pratiquées en couple, en famille et entre amis. Et qu'est-ce qu'il en est des retombées économiques? Et c'est là que ça devient très intéressant pour, si on veut dire, l'industrie du plein air. Tout à fait, oui. Donc, on parle de plus de 30 800 emplois directs qui découle de ce secteur. C'est quand même pas mal, ça. C'est vraiment beaucoup. Et plus de 2,2 milliards de dollars en 2016. Et ça, c'est en ne considérant que la part des Québécois. Parce que à l'intérieur de ces chiffres-là, on ne parle pas des touristes qui proviennent de l'extérieur du Québec, donc qui pourraient provenir de l'Ontario, de l'Europe ou encore des États-Unis. Donc, c'est vraiment que des dépenses internes. Effectivement. Donc, il y en aurait beaucoup plus si on tenait compte, effectivement, des touristes des autres pays et des autres provinces. Oui, tout à fait. Donc, ce portrait de la pratique réalisée à l'échelle du Québec apportera certainement un nouvel éclairage sur le secteur du plein air, son importance et aussi la relation que les Québécois entretiennent avec ce secteur d'activité. Il s'agit forcément là, d'un outil des plus intéressants pour tous les intervenants et les intervenantes qui œuvrent de près ou même de loin en plein air, Puis cela permettra d'orienter les décisions politiques à l'échelle locale, régionale, mais même provinciale concernant le domaine du plein air au Québec. Alors, ce sont certainement des données à mettre en balance, en fait, avec l'industrie forestière pour permettre finalement toutes les activités possibles, effectivement, en forêt. Alors, merci beaucoup, Camille. Nous allons faire une pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, Mélanie Jean nous parle de l'ébauche d'un quartier futuriste à Toronto.